Whoa! I bid you welcome, Mr. to my house. A moment ago, you said I was crazy. Your eyes that once have gazed to the waves have long been closed. They come and slay you within these walls. You must make one with fear and rage. The walls of the ground you walk upon, the soil beneath your world undone. This is the ground. I'm Damien Karras. And I'm the devil. We'll be right back. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. C'est ton association étudiante, t'es pas obligé d'être une corvée. Avec le service d'activité de financement du Kiorama Trois-Rivières, c'est possible d'avoir du plaisir tout en ramassant de l'argent. À prix avantageux et avec une variété de forfaits pour toutes les associations de l'UQTR, viens au Kiorama avec tes collègues et amis pour passer une soirée des plus divertissantes. Pour plus d'informations, contacte Alexandre Thibault au 819-694-0990. Fou de rock! C'est le 89.1. Je souhaite pas les bienvenus en cette dernière édition d'octobre de l'an de disgrâce 2018, soit le tente. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement avec mon indissociable gobelin qui est Sinistros. Oui, bonjour. Madame Brassard, est-ce que je peux te demander comment ça va? Mais c'est pas de tes oignons, encore une fois. Mais j'ai juste dit ce que je peux te demander, je te l'ai pas demandé. Ah non, tu peux pas me le demander. Non, mais je te l'ai pas demandé, okay, fait que réponds-moi pas. D'accord. Spécial Halloween ce soir de la part de Réanimation, c'est-à-dire une émission consacrée uniquement à l'horreur et le métal dit de ce même acabit. Comme si c'était pas assez horrifique de nous avoir en onde à tous les mardis. Ben, c'est pas mal l'Halloween à tous les mardis, je dois dire, t'as raison à ce niveau-là. Mais on a fait un petit effort cette semaine pour être encore plus... Oui, on a commencé plus tard que d'habitude. Ouais, ça, je suis désolé, hein, c'est vraiment pas... c'est pas de notre faute. Petit problème technique en début d'émission qui nous ont obligés à faire beaucoup de publicité. Mais bon, là, on s'est résolu, on est là. Puis en fait, on va même défoncer 21h ce soir, là, pour peut-être une quinzaine de minutes, là. Parce que Sinistros et moi, on s'est emballés à faire nos petites préparations, nos petits blocs typiquement halloweeniens. Donc, on a mis plusieurs trucs, comme vous avez pu le voir, là, en début d'émission, à travers ça. On a mixé plein de choses, on s'est amusé. Donc, ça fait une émission qui est un peu plus remplie qu'habituellement. À noter, cette semaine, il n'y a aucune présentation de nouveautés. Ce ne sont que des trucs qui s'adressent à l'Halloween. Il y aura une chronique cinéma, mais qui s'adresse uniquement à l'Halloween. Ça, c'est un peu plus tard dans l'émission. On vient d'entendre à l'instant, et vous les avez reconnus, du moins je l'espère, parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes de parfaits incultes. Possess de San Francisco. Et la pièce d'ouverture de leur seul et unique très bon album, Seven Churches, soit The Exorcist. Tout à propos, n'est-ce pas? Album paru le 16 octobre 85 sur Combat. Juste avant, nous avions de Suisse une autre très bonne formation, plus récente celle-ci, en Triptychon, qui a vu sa naissance apparaître des cendres de Celtic Frost, avec bien sûr Thomas Fisher Warrior Gabriel Fisher, comme vous le voulez, là. Hein? Et la pièce Boleskin House est tirée de Melana Kasmata. Excellent album paru le 14 avril 2014 sur Century Media, le deuxième. Oui, tout à fait. Et tu sais ce que c'est que Boleskin House? Vas-y. C'est la maison ou le petit manoir qu'habitait Aleister Crowley. Oh! Et Aleister Crowley était réputé, bien entendu, pour être un sorcier. Et dans cette histoire un peu plus contemporaine, allons-nous dire, un certain Jimmy Page avait une grande fascination pour ce qui était la magie en général, et cette espèce de aura occulte qui vient avec ça. Et lorsque Boleskin House a été abandonné par Aleister Crowley, il n'est pas mort là, il a simplement abandonné la maison, eh bien, pendant un certain nombre d'années, le fameux petit manoir a été inhabité jusqu'à ce que Jimmy Page le rachète. Donc, Jimmy Page a Led Zeppelin, bien sûr. Donc, Jimmy j'avais Page. J'avais compris oui. que c'était pas Led Zeppelin de Metallica. Non, je dis pas ça pour toi, c'est distrait. Okay. Ça pour les incultes à l'autre bout, là. Ah. Donc, et Jimmy Page a habité Boleskine House et semble-t-il lui-même qu'il aurait évoqué certaines auras étranges dans la maison. Bref, ça leur a inspiré Triptychon pour en faire une très bonne pièce. Et on est ouvert avec King Diamond de Copenhagen, au Danemark, avec. Ben, quoi de mieux que la pièce-titre de ce spécial Halloween, bien sûr. Qu'on retrouve sur son premier album solo Fatal Portrait, qui est paru le 17 février 1986 sur Roadrunner. Bon, King Diamond, Merciful Fate, pas mal pareil. Hein? Ça se ressemble pas mal. C'est hein? juste les noms qui changent. C'est ça. Donc, mon cher Sinistros, je te laisse le choix de nous présenter ce que tu nous proposes. Vraiment, j'ai vraiment le choix? Ben, oui, t'as le choix okay. entre tout ce que tu nous as présenté, mais vas-y dans l'ordre. Ben, OK. Vas-y dans l'ordre. Oui. Ben quoi de mieux que de commencer un petit spécial World War III Festival pour avoir un avant-goût de l'Halloween qui aura lieu demain. Ben c'est parce qu'une troisième guerre mondiale, j'irais plus dire que c'est un apocalypse qu'un Halloween. Là, mais... Oui, mais c'est pas grave. On a Voivode. Ah, ben on oui. On a Celtic Frost, on a Destruction, qui étaient tous les trois du World War III, avec Possess tantôt. Oui. Makayank, Nasty Savage. Tout à fait, effectivement. Concept, notre histoire. Pratiquement, oui. Voivode avec la pièce Horror, bien sûr, ben tirée oui. de l'album Roar, qui est paru en 1986. Celtic Frost, Nocturnal Fear. Mm-hmm. C'est bien évident, ben Halloween, oui. les peurs nocturnes. Et j'ai d'ailleurs écouté un film sur ça, là, le week-end dernier, les peurs nocturnes. Ah? Oui. Et tu t'es levé et t'as pleuré? Je pleure rarement. Je pleure rarement. Je me lève aussi rarement. OK. Et on aura Destruction avec The Ritual qui est paru sur Infernal Overkill. Alors, allons-y tout de suite avec un petit intro de ma... De ta concoction? Concoction. Concoctation, oui. C'est encore plus concocté, ça. Vous êtes en réanimation. Let's go. Thank you. Keep on, water moves. Sacré farceur. Je sais. Alors? Destruction, avec The Ritual, avec la super voix de Schmier du haut de ses 18 ans. Il y avait 17 à l'époque. 17 à l'époque, ouais. On parle de 1985, ouais. Paru sur l'album Infernal Overkill, premier album complet du groupe paru sur Noise. À l'époque, en 82, il s'appelait Night of Demon. Imagine-toi donc. C'était-tu Keten? Ouais, ils ont bien fait de changer pour Destruction. Ça faisait un petit peu plus. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, Destruction, là, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils faisaient à l'époque. Pas du tout. Mais c'est droite maintenant. Oh, c'est droit, très effectivement. Droite. Ouais. C'est sûr et certain que ces albums-là, c'était des premiers balbutiements du métal. Ouais. C'était des flots, là, tu sais. Oui, tu l'as dit, c'était les premiers balbutiements du métal dit plus extrême plus, pour l'époque. Plus extrême, c'était maladroit, tu sais. C'était pas tight. C'est sûr et certain qu'en 2018, un groupe qui arrive pas tight de même, tu fais ce fait-là. Ben non, c'est clair. Cool, les Tommy Sandman, qui était le batteur à l'époque, était vraiment pas dedans. Non, il arrivait soit bien en avance ou bien en arrière. Ouais. D'ailleurs, Creator leur avait dit, hein. Ben pourtant. Merci de nous avoir fait remarquer qu'on était pas tight, nous autres non plus. Creator, le premier album, Flag of Hate, Endless Pain. Sur la pièce Endless Pain, t'entends complètement le drummer virer à l'envers. Virer à l'envers, oui. Ouais, absolument. C'est épais, là, super. Ben oui, c'est comme ça. Celtic Frost, tout juste avant, avec Nocturnal Fear, c'est apparu en 1984 sur Morbid Tales. Un album qui a quand même frappé fort le métal à l'époque et qui frappe encore fort aujourd'hui. Celtic Frost, qui était un groupe emblématique métal toujours. Extrême. Encore aujourd'hui. Puis Voivode, ça reste Voivode, ça a toujours été Voivode, ça va toujours demeurer Voivode, selon moi, avec la pièce Horror. Oui. Absolument. Paru sur Roar en 86, c'est trois albums qui sont parus sur le défunt label Noise, qui est ressuscité l'année dernière. Ils font des reissues, ça a été englobé par BMG. Ah oui, c'est BMG qui a repris ça. Fait que présentement, ils sont en train de ressortir tout leur catalogue. Donc, les albums de Celtic Frost ont tous été ressortis. Les albums de Voivode également. Là, il y a Creator aussi, je pense, qui s'en vient. Ou, il devrait avoir Coroner, j'imagine. C'est peut-être Coroner aussi, ça s'en vient. Je pense que Destruction aussi, ça s'en vient. Okay. Tout, là. Non, mais le label, actuellement, ne fait ils, pas ils d'activité font pas de nouveautés. Non, okay. Ils font juste... revampé le catalogue de Rizou, c'est ça. OK, c'est bien. OK, c'est bon. 19h50. Tu me proposes quoi comme troisième bloc? Bien, tant qu'à continuer dans le rituel, on va y aller avec un petit bloc un peu plus doomy. Parce que qui dit Halloween dit quand même un peu doom. Hein, bien sûr. Glauque. Ben oui. Ghost avec la pièce Rituals. Ah, ben là, je peux te féliciter. Merci. Tu passes du vrai ghost. Du vrai ghost. Y'a-tu du faux ghost? Oui, maintenant, c'est du faux ghost. Ben oui. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On s'entraînera pas sur ça. Non. Je veux juste te dire que ce cher papa a écouté beaucoup trop de Dancing Queen. On invitera Tower, on invitera Alain, puis on en reparlera avec ça toi. Ça va être un No Holds Bar Combat, d'après ça moi. Ça se peut très, très bien que tu perdes. Non. Je pense, est-ce que tu ne vas pas dire que Tower est rendu converti à Ghost? Tu vrai? Ben non. Tower va sûrement faire équipe avec moi. Tu penses? Ben, j'espère. Je vais essayer de l'acheter. Paye cher. OK. Ça sera suivi de Lucifer avec la pièce Abracadabra, bien sûr. Pourquoi un titre comme ça? Si vous ne savez pas encore c'est quoi Abracadabra, ben... Mais explique-le! Non. Ben oui! Je l'expliquerai par après. Bon. Ben c'est un... Vous n'avez pas écouté ça, Sophie la sorcière, vous autres, hein? Ben oui, j'ai écouté ça. Ben oui. Blood Ceremony clôturera ce bloc avec Witchwood. Alors on a Ritual, Abracadabra et Witchwood. Oh, c'est le concept. Allons-y tout de suite. Je comprends pas, mais c'est pas grave. D'accord. C'est un fils de sorcière. Il pèle, pow! Fais-moi un dessin. Let's go. Un doigt, deux doigts, trois doigts.

Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission L'Octrotteur est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 89.5. Ton association étudiante, t'es pas obligé d'être une corvée. Avec le service d'activité de financement du Diorama Trois-Rivières, c'est possible d'avoir du plaisir tout en ramassant de l'argent. À prix avantageux et avec une variété de forfaits pour toutes les associations de l'UQTR, viens au Kiorama avec tes collègues et amis pour passer une soirée des plus divertissantes. Pour plus d'informations, contacte Alexandre Thibault au 819-694-0990. Fou de merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.5. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Et vous, cher docteur? Et vous? Êtes-vous fou de merveilleux? Je suis fou, point. OK. Merveilleux, qu'est-ce que c'est? De merveilleux, c'est ce qu'on vient d'entendre. Ben oui, effectivement. D'une certaine façon, oui, je suis en partie d'accord. D'accord. Blood Ceremony. J'ai bien dit en partie. En partie, ouais. Quoi? Blood Ceremony de Toronto avec Witchwood, qui veut dire le bois de la sorcière. Oui. T'es rendu tout introducteur, toi. Écoute, parce que je vais expliquer le trip, tu sais. Ah oui, oui. C'est paru sur The Eldritch Dark, qui est paru en 2013 sur Rise Above. Ici, on a un autre bloc consacré à un label, Rise Above. Oui. Tantôt, Noise. Witchwood, Bois de la sorcière. On a eu Lucifer, Satan, Lucifer, Enfer. Avec Abracadabra, hop, le spell de la sorcière. Bon, faut là, j'y aille, moi, je pense. C'est paru sur l'album Lucifer 1 en 2015 sur Rise Above et le rituel, Ritual Ghost. Ah. Sur Opus Eponymous, qui est paru en 2010 sur Rise Above. T'as-tu vu comment c'était concept, mon truc? Ah oui, j'ai vu ça. Mais je veux vraiment que tu m'expliques qu'est-ce que tu trouves à Ghost aujourd'hui, là. Qu'est-ce que je trouve à Ghost? Maintenant, là. Ce que je trouvais à Ghost il y a 8 ans, mon cher ami. Est-ce que tu trouves encore la même chose? Oh oui. Eh ben, tu devrais peut-être aller consulter un otorhino-laryngologiste. C'est déjà fait, mon ami. Et puis, une cause perdue, qui l'a dit. D'accord. Je vous parle un petit peu de cinéma. Parce que j'ai trié quelques films d'inspiration. Et ici, ça sera pas Chaperonnette à poids, n'est-ce pas? T'es un des rares que je connais qui se rappelle de ça. Mais ça pourrait faire office. J'ai trié 6 films que je considère étant des trucs fort intéressants pour l'Halloween, qui sont évidemment à revoir ou à découvrir selon le cas. Dans ton cas, j'imagine que ça va être à découvrir. Possiblement. Je parle de certains films, je parle des années 60, des années 80, 90. Fifi Brin d'Acier. Bon, toi, ça va faire. Dans merci beaucoup, Sinistrote. Le premier film de 1966, Chambers of Horror, un film d'horreur à connotation criminelle qui met en vedette Patrick O'Neill et César Donava. Et qui raconte l'histoire de Jason Cravatte, un Français surnommé le Boucher, et qui est un meurtrier sanglant et sanguinaire, mais qui œuvre dans un musée. Ah. C'est vraiment bien. C'est vraiment un très bon film, fort intéressant à découvrir. Le deuxième est un classique parmi les classiques de 1982. Il est signé George A. Romero et Stephen King. C'est Creepshow. Bien qu'un. Ça, c'est un classique. Bien sûr. Classique. Oui, c'est un film à sketch, bien sûr, avec Leslie Nielsen, entre autres Ed Harris et Stephen King lui-même. Le troisième film est de 1990. Ça, c'est un pur chef-d'œuvre de l'horreur psychologique. C'est Jacob's Ladder. Oui, effectivement, c'était très bon. Avec Tim Robbins et Danny Aiello, c'est vraiment très, très weird, très bon et très cauchemardesque. Le quatrième film est un film de 2004 qui est signé de M. Night Shyamalan et qui est un film fantastique à connotation horreur. Cette fois-ci, c'est The Village. Est-ce que tu as vu The Village? Non, j'ai pas vu The Village. Je te conseille vraiment de voir ça avec Joaquin Phoenix. Le ténébreux Joaquin Phoenix et Adrian Brody. C'est un très bon film avec... encore à cette époque-là, M. Night Shyamalan pouvait nous surprendre par ses fins. Aujourd'hui, ben, c'est chose du passé, bien entendu, parce que j'imagine que la surprise a ses limites, mais The Village est un très bon film. Le cinquième titre est un film de 2005 qui est signé de Paul Schrader. C'est Dominion, prequel to The Exorcist. Est-ce que tu as vu? Non. Très bon. Très bon, très bon, très bon, très bon, très, très bon. Et qui met en vedette nul autre que le démon Pazuzu. Pazuzu? Oui, tout à fait. C'est supposé être le seigneur des démons. Un très bon film. Très bon retour en arrière pour l'exorciste. Et le sixième titre, qui est un film d'horreur avec une tendance science-fiction de 2013 de Scott Charles Stewart, qui met en vedette J.K. Simmons. Tu connais J.K. Simmons? Pas sûr. T'avais vu le film Whiplash sur le batteur? Non. Non, tu devrais voir ça. Mais d'ailleurs, tu reconnaîtrais J.K. Simmons. C'est le film Dark Skies. Donc, c'est un film qui mélange l'horreur et les extraterrestres. Mais c'est vraiment très, très, très bien. C'est très bien comme film. J'ai redécouvert le film il y a très peu de semaines et j'ai dit oui, c'est très bon. Et ce que j'ai mis d'intéressant sur le site de réanimation AD.com dans la section cinéma, ces titres-là apparaissent tous avec le poster. Et si vous cliquez sur le poster, vous arrivez directement au visionnement du film et en français. Oh, c'est-tu le fun? C'est-tu le fun? Mais mis à part, bien sûr, le premier film que j'ai nommé, Chambers of Horror, qui ne se fait pas en français. Il est en anglais, mais vous pouvez aller visionner complètement le film en entier à partir du site de réanimation AD.com sans faire de recherche, sans effort. Tabarnouche, hein? C'est son on douleur. Est en 2018, hein? Eh oui. Plus de travail à faire, c'est tout nous autres qui le fait. Allez-y. On est habitué, hein? Oui. On va continuer musicalement cette fois-ci avec un petit bloc de ma conception, pour ainsi dire, oui, qui donne dans un peu plus dark je dirais gras. Oui, par moment, que le dernier bloc de bizarrerie de Simpsons. Il se trouve drôle tout seul à part de ça. Tu sais ce qui se passe dans ma tête, toi? T'es peut-être mieux pas de savoir. T'es peut-être mieux, oui. On va y aller avec une formation que Sinistros et moi aimons beaucoup, en fait, pour une bonne partie de la discographie, soit Ministry. Bien qu'un. Une formation que t'aimes moins, mais que t'aurais intérêt à redécouvrir de nos jours, c'est Paradise Lost, avec Old Nick Holmes. Ben, ce que j'ai entendu, c'est peut-être que j'étais pas dans le mood, j'étais peut-être pas dans le titre. Ben, je t'incite à revenir, et avec, pour conclure le bloc, avec Septic Flesh. Bien sûr. Allons-y tout de suite, Scarecrow, vous êtes à l'animation. Go!

and he has promised to make me immortal. Thank you. C'était épeurant, ça, Sinistro? Presque. Septic Flesh de Athènes en Grèce et la pièce A Great Mass of Death qui est tirée de l'album et leur huitième The Great Mass qui est paru le 18 avril 2011. Probablement encore leur highlight de carrière. Pas pire. Oui, oui, c'est un album qui est vraiment très, très bon et qui... Titan aussi était très bon. Oui, mais selon moi, Great Mass n'a pas encore été surpassé. Non, pas encore. Ben, c'est une opinion personnelle. Tu vous le dire comme moi, là? Non, je dirais pas comme toi. OK, mais pourtant, tu viens de le faire. Moi, personnellement, je préfère Communion. Là. Oui, il est très bon, Communion. Ah, c'est juste pour dire pas comme toi. Là. Non, mais je veux dire, c'est vrai, t'as raison, très bon Communion. Puis Sumerian Demon aussi, non, ouais, très bon. Ouais. Mais Great Mass, c'est très accompli, ce album-là, selon moi. Juste avant de Halifax, en Angleterre, Paradise Lost et la pièce Until the Grave qui clôture leur 15e album Medusa qui est paru le 1er septembre 2017 sous étiquette Nuclear Blast. Et nous avions en début de bloc du Texas Ministry et la pièce Scarecrow qui est tirée de l'album Psalm 69, The Way to Succeed, to bla bla bla bla bla bla. The Way to Succeed. Voilà, il était leur 5e album paru le 14 juillet 1992 sur Sire. Il est 20h39 et nous allons poursuivre immédiatement musicalement avec un autre demi-bloc et le dernier de la soirée qui, cette fois-ci, comportera quelque chose de vraiment très, très, très extrême. Une formation que j'ai découvert, je crois que c'est l'été dernier, avec leur nouvel album Iron, et j'avais vraiment pas aimé. Ben, j'avais pas compris. Pour tout simple que ça. J'avais pas compris. J'avais mis ça de côté. Et j'ai redécouvert par hasard, et en préparant ce spécial d'Halloween, cette formation qui vient de Queensland en Australie, soit Portal. Ouais, c'est assez flyé. Formation très extrême de death metal expérimental et ambiant. Et je vous proposerai la pièce extrême dont le vidéo est absolument génial, soit Curtain. Mais avant, nous allons faire un petit tour du côté de la Pologne avec Behemoth. Et la pièce Messe Noire, hein, Great Mass. Oh! Messe Noire, tirée de Des Satanistes. Let's go, Behemoth. Je pensais pas que t'étais capable de faire des choses comme ça, toi. C'est accidentel. Dis-les pas, ça. Mais non. Go! Yeah. ghosts and the supernatural. Perhaps you were one of the unbelievers. However, I think I should warn you that at certain times and in certain places, the unbelievable does happen. But of course, it couldn't happen here, could it? Let's be careful, though. No sense in looking for trouble. Besides, sometimes the hunter becomes the hunted. Voices from hell. Wow! Ça, là, pour moi, là, c'est la quintessence de l'extrême. C'était assez... C'est vraiment, pour moi, là, c'est je capote. Mais avec une meilleure production, ça serait encore plus cool. Ouais, effectivement, j'en conviens que cette production-là est... on a vu pire, là, mais on a vu mieux. On a vu mieux. Je parle de la formation d'Australie, Portal, ou Portail, si vous préférez. La pièce est un curtain, rideau. Ça sonnait comme un rideau, effectivement. Ah, c'est, mais comme je disais, il faut voir la vidéo. Il y a une vidéo qui vient avec ça, avec Curtain de Portal. La vidéo est tout aussi malsain que la pièce en tant que telle, mais la pièce prend tout son sens avec la vidéo. C'est tiré de leur quatrième album, Vex a Void, qui est paru le 19 février 2013 sur Profound Lore. Ils ont à ce jour 5 albums. Le dernier est paru en 2018, un peu plus tôt cette année, Ian. Il est paru en janvier, en fin janvier dernier. Et ils sont également sur la même étiquette, Profound Lore Records. J'avais eu de la misère avec cet album-là, mais là, je suis revenu dessus. Je suis même revenu en arrière sur l'album Zwart. Et moi, j'adore ce groupe-là. Là. Écoute, j'entends, je comprends parfaitement que c'est loin d'être accessible, là, que ça peut être très, très rebutant pour... plusieurs. Un peu comme Anal Natrak sur certains albums. Oui, oui, quoique je pense que ça, c'est encore une coche au-dessus. Là. C'est encore plus méchant, c'est encore plus intense, c'est encore plus saturé. Comme je le disais, ça peut être rebutant pour plusieurs personnes, même des amateurs de métal, mais moi, personnellement, j'ai vraiment croché là-dessus. Là. Wow! Bon, OK. Écouter un album complet, c'est correct. Après, faut que je fasse autre chose. Là. J'écoute autre chose parce que j'ai l'impression que je me rapproche de la camisole de force, quoique je l'ai jamais enlevé en tant que tel. Là. Mais une deuxième couche de camisole de force. Juste avant, c'était la formation polonaise Behemoth, bien sûr, et la pièce Messe Noire qu'on retrouve sur l'album et 10e album de Satanist, qui est paru le 3 février 2014 sur Nuclear Blast. C'est un très bon album, mais comme Sinistros et moi, on disait hors onde, je pense que le nouvel album est de loin supérieur. Effectivement. Moi, je pense que cet album-là, jusqu'à présent, c'est peut-être même mon top numéro 1. Oui, effectivement. Il est vraiment, vraiment excellent. Ceci étant dit, il est 20h52. On poursuit musicalement avec ce qui va être le dernier bloc de Sinistros. Mais avant, laissez-moi vous rappeler, voilà. Merci. Ces petites annonces internes, c'est-à-dire que ce vendredi, ici même à C'est Fou, dès 11h, pour les vrais amateurs de vrai rock, c'est Rock Classique avec notre ami le Rockmaster, émission à laquelle je devrais participer cette semaine. Aussi, l'émission de notre ami TJ Tower of Death, Subversion, qui est disponible sur SoundCloud à tous les deux vendredis, c'était la semaine dernière. Et le blog de notre ami Sinistros, hurlamort.com. Est-ce qu'il y a des nouveautés en entrée dans ton blog, mon cher? Cette semaine, je crois que j'en ai fait... je m'en souviens plus. Est-ce que tu en as fait dans les 10 dernières années? Oui. OK. Dans les 5 dernières années? Possible. Dans la dernière année? Je crois. Et dans le dernier mois? Moins sûr. Bon, c'est ce qui s'appelle quelqu'un qui est au fait de ces choses. Mais hurlamort.com, n'est-ce pas? Effectivement. Pour les chroniques de Sinistros qui ratissent beaucoup plus large que ce que réanimation au niveau de la musique. On y va autant hard rock que rock classique, que new wave, que punk, post-punk, mm-hmm. aller au métal extrême, à l'industriel. Ouais. Même parfois un peu classique des fois. On ratisse assez large. Ben, c'est correct de le faire. C'est très, très correct de le faire. Sinistro, c'est à toi qui incombe de... Ben, comme à l'habitude. De classe spéciale Halloween de réanimation. On va y aller avec un spécial très old school des années 80 où les bandes métal étaient en soi une horreur, possiblement. Peut-être pour certains noms. Point de vue look, point de vue, en tout cas. Vous voyez, avec d'Atlanta, aux États-Unis, Hallows Eve. Pourquoi Hallows Eve? Halloween. Avec la pièce Horror Show. C'est apparu sur Tales of Terror, 12 juillet 1985, sur Metal Blade. On aura de Toronto, Pile Driver, avec Witch Hunt, qui est paru sur Metal Inquisition, en 1984, sur Cobra. Et nous terminerons avec la formation de Newcastle en Angleterre, Venom, avec Don't Burn the Witch. Eux autres, ils ont compris. Fallait pas brûler les sorcières. Non. C'est paru sur l'album Black Metal le 1er novembre 1982 sur Neat Records. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Sinistros et moi vous présentons une émission de réanimation, mais c'est la première du mois de novembre. Mois des morts, bien sûr, le mois qu'on nous préférons. Tous les premiers du mois, à partir de la semaine prochaine. Oui. Nous aurons un spécial... Métallographie. Segment qu'on a déjà utilisé par le passé, mais qui cette fois-ci a été remanié un peu à la sauce Sinistro. Ça veut dire que ça va être vraiment poche. Oui. Mais il faut expliquer qu'à partir de la semaine prochaine, c'est la nouvelle version de présentation de réanimation. C'est-à-dire que à toutes les semaines, il y aura un segment particulier qui va être consacré. La première émission du mois, c'est la métallographie. La semaine prochaine, c'est sur Black Sabbath. C'est ça. Il y aura aussi les présentations des nouveautés de Bloodbath qui sont parues vendredi dernier, ainsi que le dernier Hate Eternal, qui est paru le 26 également. Le deuxième vendredi du mois... Le deuxième mardi du mois, c'est l'évolution métallique selon Sinistros. Le troisième mardi du mois, c'est Mechanical Surgery, exploration de la musique industrielle et connexe. Et le quatrième... On retrouve encore et on conserve l'album marquant. Les albums marquants. Et pour les mois qui aura 5 éditions... Ça sera gratuit. C'est free game. Ça va être une émission dite régulière. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Et allons écouter ce dernier bloc spécial Halloween, concoction Sinistros, avec, comme il le disait, de vieux classiques des années 80. Et sur ce... Allez tous vous faire foutre. Foutre. C.O. que cet ennemi n'ait aucun pouvoir sur elle. Je suppose qu'elle soit impuissant à lui nuire. Ta mère suce des queues en enfer, grâce, excréments en jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec toi. Fire religion.